à mes yeux. Yeah. Elle est belle et si sensuelle dans mon cœur. Yeah. J'ai la foi tellement je l'aime qu'elle est son secret qui m'attire, me rend accro. Pas de doute, j'ai la feu, c'est sûr. Je te promets de te donner l'amour que tu attendais. Je deviendrai l'homme dont tu rêvais. Je serai, yeah, ce père, ce mari que tu attendais. Ne doute pas, j'effacerai tes peurs. C'est la gimmick de mes mélodies, la bombe atomique qui fait fantasmer son monde avec ses mimiques qui me donne envie. Je succombe, succombe. Pas de limite, ce n'est pas qu'une amie. La vie authentique qui fait voyager en deux secondes. Plus de panique, c'est elle qui sera toute ma vie. Ma vie, j'irai jusqu'au bout. Quand je pense la connaître, elle me surprend et d'un coup me démontre que je suis loin d'imaginer. Cette femme si douce et si amusante, je lui en voudrais. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. C'est la gimmick de mes mélodies, la bombe atomique qui fait fantasmer son monde avec ses mimiques qui me donne envie. Je succombe, succombe. Pas de limite, ce n'est pas qu'une amie. La vie autant.